un ami. J'aime quand elle est divinement inspirée et inspirante. Quand elle apaise les mots de l'âme ou qu'elle pimente. Une vie sans goût, j'admire quand elle perd ses vers malgré le manque de moyens techniques et de sous. J'kiffe quand elle est honnête, ça se sent quand elle vise le cœur avant la tête. Quand elle ne s'impose pas mais qu'elle converse. Quand elle se fait sans calcul malgré la pression du commerce. Pour qu'elle soit crédible, il faut que son auteur ait une vie en phase avec elle. S'il en dit trop, il sera testé. S'il s'avère que ta musique est un tissu de mensonges, le public ne sera pas fair-play. Qu'il est bon d'entendre derrière la barrière sonore des messages, des convictions et des valeurs qui colorent une existence. Qu'elle figure ou pas au top 50, qu'elle soit pleine de paroles vivantes. Si tes mots pénis sont coûtés saccadis, faire songer peut par l'espérance. Car parfois en la vie, c'est qu'à parole qu'à toucher qu'elle a touché. Ça fait des musiques aussi, musique et pas un message. On dit merci pour musique et poésie. Con Dominique au côté, y'a qu'à faire avec plaisir. Y'a qu'à faire, y'a avec passion. Peu pas fait sans vision, sinon pis c'est mais arrêtez pour pas vivre nos malédictions. Y'a mandé Eric, musique, péché, go. Mais attention à bruit, pas chahier normal. Et qu'est au père, passe parole à non plus faire. Pète de contrôle et puis agis comme un fou. Y'a musique peut faire blairer. Musique peut faire oui, musique peut pas au ballon, mais il peut faire dormir. Si moi qu'à au cacouté, y'a qu'à dire qui brouillé. Si pas qu'à part, faut se mettre pieds à voir mes souliers. Dès les peuples, la carité, t'es débité, sans comprendre. Pendant tout cela, qu'à gérer yo, t'es mes aïeux en l'air. Oh oh oh oh, qui mangeait cochon et ça, faut se mobiliser. Tout peut pas tolérer ça, non. Conomie. Si t'es mis au sens, qu'à faire réfléchir. Faire songer, peut pas l'espérance. Qu'à aider au tout. Vous êtes bien dans Conalambi, spécial hip-hop créole. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui était de passage à Paris pour une prestation au Sentier Idéal pour la présentation de son album Sunny Day. Il s'appelle Williams Café. Donc déjà, bonjour Williams Café. Bonjour Conalambi, big up aux auditeurs et merci de me recevoir surtout. Un plaisir. Donc de ce qu'on connaît, en principale sortie, donc il y a l'album de ton groupe Benaja, Soif de Vivre, qui est sorti en 2009. Un EP avec Paco, Vibration, qui est sorti en 2011. Aujourd'hui, tu présentes l'album Sunny Day, on est en 2013. Qu'est-ce qu'on a raté dans cette présentation? Ben, vous n'avez rien raté du tout. Effectivement, en 2009, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Benaja avec Fola, qui est un artiste guadeloupéen qui réside en Martinique. Et en 2011, un projet avec Paco, effectivement. Vibration, un petit EP que j'ai sorti vraiment à très petite échelle. Et en 2013, j'arrive avec un projet qui s'appelle Sunny Day. Donc la présentation est juste. Il n'y a rien de plus. Entre chaque période, il y a eu beaucoup de travail. Du travail, de la conception, des rencontres avec des artistes et beaucoup de scènes. Parce qu'en fait, avant tout, ce que j'aime, c'est la scène. Et voilà. Si je disais ça, c'était par rapport à toutes les mixtapes web tape gratuite que tu as pu, puisqu'on va revenir là-dessus, mais l'homme est très très très productif. Effectivement, j'avais oublié. J'ai sorti une net tape en 2010 qui s'appelait Post Café Volume 1. Et une net tape d'à peu près 10 titres avec divers beatmakers, que ce soit de la Guadeloupe, de Londres et de Paris. Et voilà. Donc ça c'est très bien, ça a bien fonctionné, ça m'a permis de faire pas mal de connexions. Mais tu sais, les net tapes, tu t'en sors une, le temps du buzz, le temps du moment, et puis après ça disparaît. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas relevé en fait. Donc si on devait retenir peut-être des étiquettes pour décrire un peu ton travail, après tu verras si tu es d'accord ou pas avec ces étiquettes. C'est d'une part un style jazzy soul très marqué dans le son. Et d'autre part, dans le message, une très grande place accordée à la foi, à Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Totalement, totalement. C'est vrai que je suis un artiste issu de la scène gospel. Donc forcément, la foi sera toujours en toile de fond dans ce que je fais. Et musicalement, je me dirige effectivement vers un style jazz, soul, plus jazz que soul en fait. plus jazz que soul. Parce que quand je regarde bien, mes références ben, ne sont pas forcément Otis Redding et la bande, mais plus Frank Sinatra, etc. Donc je dirais plus jazz que soul, mais toujours avec une belle couleur hip-hop dans ce que je fais. Alors, il y a un truc qu'on oublie, enfin que j'oublie, c'est aussi cette particularité de mélanger à la fois le rap et le chant. Quand je pense à ça, j'ai des noms comme Mos Def, Fonte, André 3000, Lauryn Hill me viennent en tête. Toi, quelles ont été tes influences et comment es-tu arrivé d'une part au rap, d'autre part au chant et enfin au mélange des deux? Alors, waouh, c'est une très belle question parce que là, en fait, les deux premiers noms en fait, que tu as cités sont mes plus grandes influences en termes de rap. Mos Def, j'ai commencé à rapper quand j'ai découvert l'album Black Star. Parce qu'à l'époque, j'étais beatboxer, donc j'accompagnais les rappeurs. J'étais toujours impressionné de voir que les gars pouvaient emmagasiner autant de lyrics, en fait. Et j'étais danseur. Donc je dansais, en fait. J'étais b-boy et je dansais pour plusieurs groupes en Guadeloupe. Et quand j'ai entendu, en fait, Black Star... l'album Black Star avec Mos Def et Talib Kweli, je me suis dit voilà ce que je veux faire. Et même avant Black Star, c'est le morceau Body Rock. Quand j'ai vu Mos Def dans cette vidéo, j'ai dit lui il a un truc que j'aime. Et après je suis parti vraiment, ben quand je suis parti faire mes études en Angleterre, il y a l'album Black on Both Sides qui est sorti et ça a été une révélation pour moi en fait. À ce moment-là, je me suis dit ce mec-là il fait exactement ce que j'aime, que ce soit en chant avec Mayumi Says. Et quand il a sorti Mrs. Fat Booty, donc tous ces morceaux-là, ce sont des morceaux qui m'ont marqué et qui m'ont incité à rapper. Le rap, c'est arrivé dans ma vie, ben, à un moment, bon, après le beatbox et la danse, il y a des MCs qui m'ont dit, bon, Café, t'as une voix particulière, essaye, tu peux rapper, fais un truc. Donc, comme tout MCs, hein, au départ, j'étais très dans l'ego trip et j'ai pris un dico. J'ai pris plein de mots et j'ai tout assemblé et j'ai commencé à rapper comme ça. Et le chant, ben au début je chantonnais et puis j'étais toujours un peu complexé. Tu sais, dans le milieu hip-hop, quand tu chantes, ça fait un peu voilà quoi, cucu la praline, voilà lui, qu'est-ce qu'il veut vraiment faire, ou etc. Tandis que bon, avec le temps, j'ai réalisé qu'il y a plein d'artistes comme Fonte qui se sont pleinement lancés en fait. Et quand tu écoutes Little Brother, que j'étais en train d'écouter en arrivant ici, c'est lui qui fait tous les refrains, c'est lui qui fait voilà. Et que ce soit en rap ou en chant, le gars est carré. Donc je me suis vraiment lancé et puis j'écoute énormément de jazz, j'écoute énormément de variétés françaises. Mes influences, ben, Henri Salvador, Frank Sinatra, et il y en a plein d'autres, hein, tu vois, que dans le monde du jazz. Et je me suis lancé comme ça et maintenant je veux plus chantonner, mais je veux le faire pleinement en fait. Donc c'est une évolution qu'on note. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un peu les influences dont on a parlé, donc Fonte, qui a été un rappeur américain, qui a été révélé dans le groupe Little Brother et qui ensuite a poursuivi en solo et aussi au sein du groupe Foreign Exchange, donc où il chantait davantage qu'il rappait. C'est une évolution qu'on remarque chez beaucoup de rappeurs comme Mos Def, qui à un moment donné, où André Flusshausen à un moment délaisse le rap pour le chant. Toi, est-ce que tu as aussi cette ambition, si on peut employer ce terme? Je pense que sur du moyen terme, je vais me pencher plus vers le chant. J'ai vraiment à cœur de me lancer pleinement dans cette voie, puisque déjà c'est quelque chose que j'aime, mais plus dans le jazz. Vraiment plus dans le jazz, piano, voix, contrebasse, beatbox. Mais je veux garder quand même cette identité rap. Ça me fait penser à José James, qui à la base en fait était un MC. Et comme il n'arrivait pas, en fait, bon, lui par contre, il n'arrivait pas à rapper. Il n'arrivait pas à se percer dans le rap. Et il s'est lancé dans le son jazz. Et quand tu regardes José James aujourd'hui, ce que c'est devenu, voilà. Mais par contre, quand tu entends ses beats, bon, le gars il travaille avec Flying Lotus, il travaille avec plein de gens. Et les instrus sont toujours fat. Tu as aussi Dwele qui à la base est un MC de Détroit qui était super bon. Moi j'ai entendu des morceaux de Dwele où le gars il rappait, mais le gars il rappe superbement bien avec une technique, etc. D'autre façon à Détroit, je sais pas ce qu'ils ont mangé, mais les gars ils sont tous fat. Et petit à petit, ben, il a arrêté de rapper pour chanter. Bon, je sais, je dis ça, mais bon, on sait jamais. Tu sais, là, t'as toujours envie de kicker un 16, t'as toujours envie de dire quelque chose. Mais je pense qu'avec le temps, bon, j'ai pas envie de faire comme KRS-One à 50 ans, essayer de rapper, de rivaliser avec des jeunes de 20 ans, etc. Donc, vu que je compte faire de la musique encore pendant pas mal de temps, peut-être que l'orientation change, ben, un jour se présentera franchement à moi, quoi. Donc là, on parle de l'avenir pour Williams Café. On va revenir un peu sur l'actu, mais aussi même le passé très récent, donc ce qui a déjà été fait. Je vous ai donc découvert principalement avec l'album Benaja, Soif de vivre. Pour revenir sur le message, donc comme on a dit, là, Dieu a une très grande présence dans votre message. Vous avez même un morceau sur l'album qui s'appelle L'Armée du Ciel. Je voulais savoir, est-ce que vous revendiquez une étiquette de rap chrétien, comme on a Christian rap, comme on peut dire aux États-Unis? Ben, c'est vrai que je suis un, comme j'ai dit au début de l'émission, je suis un artiste gospel, donc un artiste forcément chrétien. Et c'est vrai que la foi chrétienne, qui est le message central en fait de ce que je fais, a une grande place forcément. Benaja, c'est un groupe de deux rappeurs chrétiens qui, au-delà de la foi chrétienne, ont envie de montrer qu'on peut on a toujours tendance à voir les artistes gospel comme étant des artistes chantant dans les églises avec des toges, etc., etc. Or que c'est un style de vie plus que juste une vie à l'église, etc. Lorsque, je sais pas moi, Kerry James aujourd'hui, bon, c'est un artiste musulman, il revendique sa foi en l'islam, il te dit franchement qu'il va à la mosquée, et pourtant, on dit pas de lui que c'est du rap musulman, or que c'est ça en fait, tu vois. Medine, c'est pareil, on dit que c'est du rap français, mais pour moi, c'est du rap musulman. Les gars, ils vont à la mosquée, ils font le ramadan, ils font, tu vois, la. Tandis que bon, avec Benaja, on a voulu montrer que c'est vrai que dans le panorama de la musique hip-hop en Guadeloupe, ou même entre créole, c'est vrai qu'on sort du lot avec ce message. Mais quelque chose qu'on a toujours dit, qu'on s'est toujours dit du moins, même si dans nos textes, la foi va forcément transparaître, mais on veut techniquement, lyricalement et musicalement être au rendez-vous. Et arriver avec des concepts, des beats carrés et des textes bien faits, puisque en fait, je pense que ça, c'est la base du rap, et le rap, c'est un peu la culture du reste toi-même. Donc, Follet, moi, on parle de ce qu'on vit au quotidien. Je peux pas te parler de choses que je ne vis pas. Donc, je suis un homme, j'ai des responsabilités au sein d'une église, je m'occupais des jeunes, je faisais plein de choses, je suis conducteur de louanges, voilà. Mais de l'autre côté, ben, je sais aussi faire tomber l'habit du dimanche ou du mardi soir pour pouvoir mettre mon béret et puis aller dans les bars. Tu peux me voir slammer, chanter en prison, chanter, puisqu'on l'a déjà fait. Tu peux me voir chanter dans des associations de toxicomanes, puisqu'on le fait, etc., etc. Donc voilà. Alors, il y a, on va dire, une continuité. Peut-être pas évidente pour tout le monde, mais quand même au niveau de la positivité des messages. Entre, tu parlais de tes influences Black Star à l'origine, donc on va dire un certain rap conscient, comme on dit, entre guillemets. Est-ce que c'est un hasard qu'il y ait, on va dire, une continuité entre la positivité du message du rap conscient et celui du rap chrétien? Tu sais, je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Mes plus grandes influences, bon, moi je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, premièrement, d'accord, je suis le seul chrétien de ma famille tout court, mes influences ne sont pas forcément chrétiennes, puisque je n'ai pas grandi en écoutant du Kirk Franklin, etc., etc. J'ai grandi en écoutant Tribe Called Quest, De La Soul, Mos Def, The Roots, et ces groupes là sont mes influences, et jusqu'à maintenant, quand j'ai plein de bonnes vibes en fait à recevoir de ces personnes là Après, c'est vrai que il y a certains messages qui sont prônés que je n'y adhère pas. Tu vois, bon, tout ce qui concerne la fume, les femmes faciles, etc., etc. C'est pas un message que je prône. Mais est-ce que c'est une continuité? Bon, tu sais, ces musiques-là te mettent déjà dans un état d'esprit positif. Et forcément, ben, spirituellement, ça t'apporte beaucoup de choses aussi, tu vois. Et donc oui, en gros, c'est une continuité, c'est dans mon cheminement. Je suis passé de cette musique, de ces musiques-là à ce que je fais aujourd'hui. Mais ça reste tout de même mes plus grosses influences. Konami. C'est bon d'être en vie, mec. Ça, tu peux le dire, franchement. Mais tu sais, quoi, un peu partout dans le monde, tu regardes les hommes, ils ont soif de vivre. Mais tu sais, parfois, je me demande, mais est-ce qu'ils vont à la bonne source, tu vois? Ouais, c'est vrai. En Guadeloupe, en Martinique, les gens soif de vivre. De Paris à London, les gens soif de vivre. De Montréal à New York, les gens soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit libre. De Rio à Bogota, les gens soif de vivre. De Port-au-Prince à Barbade, les gens soif de vivre. De l'Afrique à l'Asie, les gens soif de vivre. Konami. Avec le cœur et l'esprit libre. Même après tout décomprimé, t'es toujours déprimé. Tu vis en pleine démocratie, mais tu te sens opprimé. De la liste des gens heureux, ton nom est supprimé. Tu as soif de vivre, mais tu bois la mauvaise source. Résultat, t'es complètement déshydraté. Tu baisses les bras, t'as l'impression d'avoir tout raté. Tu n'as plus le goût de vivre, plus le goût de parler, plus le goût d'entreprendre. Tu veux juste en finir. Trop de nuit blanche à ressasser des idées noires. Mais celui qui a créé l'arc-en-ciel est capable de redonner des couleurs à nos vies. Capable de désamorcer le cocktail Molotov. Konami. Voilà ce que ces mots t'offrent. Si vivre est un métier, on est tous censés t'aider. Mais avec Christ dans nos cœurs, on a signé un CDI. Alors qu'est-ce que t'attends? Viens boire la rivière de la liberté maintenant. En Guadeloupe, en Martinique, les gens soif de vivre. De Paris à London, les gens soif de vivre. De Montréal à New York, les gens soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit libre. De Rio à Bogota, les gens soif de vivre. De Port-au-Prince à Barbade, les gens soif de vivre. De l'Afrique à l'Asie, les gens soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit. Joyeux anniversaire si c'est le tien aujourd'hui. Que l'éternel te garde et qu'il te conduise. Konami. Ajoute à ta soif de vivre la joie de vivre. Et qu'il te donne la force de supporter le poids de la vie. Bonne fête au papa et bonne fête aux mamans. Soyez honorés comme le dit le commandement. Que l'éternel vous fortifie dans vos durs moments. Car il n'y a tâche plus difficile que celle d'être parent. Pour vivre, certains comptent sur l'horoscope. Mais c'est comme étancher sa soif avec de l'eau chaude. Oh, peine et boire. Mais à la fontaine du Christ, l'eau est toujours fraîche à boire. Alors viens avec nous. Que tu sois plein aux as ou que t'es petit, tu ne seras pas déçu. Peu importe ton potentiel, Dieu peut t'utiliser de manière exceptionnelle. En Guadeloupe, en Martinique, les gens soif de vivre. De Paris à London, les gens soif de vivre. Konami. À New York, les gens soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit libre. De Rio à Bogota, les gens soif de vivre. De Port-au-Prince à Barbade, les gens soif de vivre. De l'Afrique à l'Asie, les gens soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit libre. Yes, le charbon de ma foi est incandescent. Yes. Parce que mon cœur reste reconnaissant. Je suis plus un enfant, je suis plus un adolescent. Obligé de gérer ma vie intelligemment. Même si les épreuves de la vie reviennent. J'ai une question encore entre les, on va dire, l'équilibre entre la foi et la musique rap. On a parlé de Kerry James, donc, qui a eu beaucoup de, on va dire, de réflexion sur doit-il ou pas faire de la musique, doit-il mettre tel ou tel instrument par rapport à sa foi. Le rappeur Freeway, également aux États-Unis, donc qui est à la fois musulman, mais quand même issu d'une scène gangsta rap, et qui disait qu'en vrai musulman, il ne devrait peut-être même pas chanter. Ou encore dans le mouvement Rasta, avec des artistes comme SZA, qui ont souvent des positions très contradictoires entre leur principe religieux, philosophique et la musique qu'ils font. Toi, comment tu gères cet équilibre dans ta musique, dans ta vie? Alors, pour moi, je vois la musique hip-hop, parce que déjà, j'aime le hip-hop, j'aime la musique rap. Je ne veux pas me dire, parce que je n'ai pas toujours été qui je suis aujourd'hui, que je vais rentrer dans une chorale et chanter. Je peux le faire, mais je veux faire quelque chose que j'aime. Et si, avant tout, je pense que quand tu es croyant, que Dieu a pour toi un plan d'épanouissement, de paix, et que tu dois être pleinement épanoui dans ce que tu fais, et ta foi, c'est pas quelque chose que tu dois vivre en catimini, comme on dit. Tu dois le vivre pleinement. Moi, j'aime le rap, j'aime la soul, j'aime le jazz, et j'aime Dieu. Ben, c'est pas un mix de tout ça, mais C'est ma manière pour moi d'exprimer, un, ma reconnaissance, et deux, mon envie de comment dirais-je, de partager en fait ma joie de vivre et partager ces expériences, des expériences de vie. Je ne parle pas que de foi dans mes morceaux, d'accord ? C'est pas, je ne suis pas là à simplement te dire dans mes morceaux, Dieu est grand, Dieu est vivant, il peut faire plein de choses pour toi. Oui, ça c'est important pour moi de te le dire. Mais je prends aussi, je prends aussi beaucoup d'histoires de vie. Bon, ben, à mon concert, par exemple, j'ai raconté des histoires ben, sur les sentiments, sur l'amour, on peut parler de tout en fait, tu vois. Et moi, l'équilibre, c'est vrai que dans le milieu hip-hop qu'on a commencé, Fola et moi, ben, on est arrivé avec notre message et notre style. On ne nous attendait pas, personne n'avait déjà entendu ça en Guadeloupe. Donc les gens se sont demandé, mais qui sont ces gars-là ? Et de l'autre côté, dans les églises, parce que bon, moi je vais à l'église baptiste, dans les églises protestantes, que ce soit évangélique, baptiste, adventiste, etc., etc., les gens se sont demandé, mais c'est qui ces gars-là ? Donc on s'est toujours retrouvé un petit peu, ben, d'un côté, il ne faut pas croire qu'on était super bien accepté non plus du milieu chrétien, hein, faut pas croire. Hein. D'accord, au contraire. Il y a plein de gens qui nous ont dit que ce qu'on fait, c'est la limite, la musique du diable, tu vois. Et de l'autre côté, mais c'est bien ce que vous faites, mais bon, vous parlez de Dieu dans vos chansons, c'est pas assez G, tu vois. Donc on s'est toujours retrouvé entre les deux. Mais l'essentiel, c'est de savoir qui tu es. Qui tu es, ce que tu fais, ce que tu veux faire, ce que tu veux apporter. Et puis, Dieu ouvre les portes, comme je dis, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pu faire, mais que j'aurais pas pu faire en restant un simple rappeur parlant de la rue, de mon quartier, et à revendiquer mon appartenance à un crew, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pu, comme je t'ai dit, chanter avec des associations. Je travaille avec des associations d'anciens toxicomanes. J'ai l'opportunité de, ben, quand je rentre au pays, d'aller animer un atelier d'écriture. En prison pendant 6 mois. Enfin voilà, ce sont des portes qui s'ouvrent que j'aurais pas pu avoir et vivre si j'étais un simple rappeur sans message, sans fond, d'accord. Donc voilà, aussi simple que ça. Donc jusqu'ici, donc on a parlé beaucoup de la place de la foi. Donc je tiens, comme tu as dit dans ta réponse, le rap de Benaja et de Williams Café ne parle pas que de ça d'ailleurs. Et je pense que l'intérêt du rap, c'est de pouvoir parler de ce qu'on veut. Enfin de d'une part, et d'autre part, ce qui est intéressant dans votre musique, c'est que vous parlez vraiment de la vie, de tous les aspects de la vie. Une autre question que j'aurais, c'est, tu as dit que tu étais un fan de hip-hop, de musique hip-hop. Je voulais savoir quel est ton rapport au rap dur, qui, étant donné qu'il s'agit d'une musique issue du ghetto, c'est une dimension qu'on ne peut pas occulter. Quel est ton rapport à celui-là et plus encore au rap qui est produit en Guadeloupe aujourd'hui où cette dimension est très présente. Waouh, très très belle question. Le rap hardcore, je ne l'ai pas cultivé. J'ai eu ma phase 36 Chamber de Wu-Tang, j'ai eu ma phase Killa Priest, mais je ne me suis jamais vraiment retrouvé dans ce type de rap, parce que c'est pas quelque chose que je, surtout en Guadeloupe, très tôt on a une chaîne qui s'appelle Canal 10 et qui nous émettait pas mal de clips américains. Donc très tôt j'ai connu Onyx, Mobb Deep et tout ça, tu vois. Et mais même si j'aimais le style de musique, même si j'aimais du Hell on Earth, même si j'aimais tout ça, je ne me retrouvais pas. C'est vraiment quand j'ai rencontré des groupes comme De La Soul, quand j'ai vu Stakes Is High, j'ai dit waouh, mais c'est qui ces gars-là ? J'ai aimé le côté soul, le côté jazz, parce que j'ai grandi dans une famille où ma mère très tôt m'a bercé de variétés françaises. Mon père est un fan de jazz, donc je ne savais même pas que ça existait, le jazz rap. Donc, qui fait que mon rapport avec la musique hardcore a été très bref. Dès que j'ai toujours voulu écouter de la musique positive, des gens qui avaient des vrais messages, des vraies mélodies. Enfin, je ne dis pas que dans la musique hardcore, il n'y a pas de vrais messages. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ensuite, maintenant, par rapport à la Guadeloupe, je trouve que la balance penche trop vers le gangster rap. Il y a effectivement beaucoup de groupes qui prônent des messages où, où voilà, ils disent qu'ils vendent de la coke, ils volent, ils braquent, etc. etc. Et ça devient des références. Et moi, j'estime qu'il faut aujourd'hui une musique en Guadeloupe, rap, qui fasse contrepoids, ou des artistes qui ont des choses à dire plus positives, ben, notamment par rapport pour la jeunesse, pour le peuple tout court. Parce que pour moi, le rap, c'est pas juste une histoire de jeunesse. La génération hip-hop, elle a 40 ans aujourd'hui. La vraie génération dit hip-hop, elle a entre 40 et 50 ans. Donc, aujourd'hui, on est bien loin du peace, love and having fun, quoi. Peace, love, unity and having fun, du début. Et il y a des artistes, bon, ben, de l'autre côté de la balance, ben, je pense à Tismé, je pense à McFly, je pense à Star J Exhaust, je pense à... il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, la tendance, elle est vraiment gangsta. Elle est vraiment gangsta. Et, ça, et la musique t'influence, forcément. Et ça devient malheureusement un repère quand les jeunes de 14-15 ans qui sont en pleine recherche, qui la plupart du temps grandissent dans des familles monoparentales, voient que, bon, ben, un tel, parce qu'ils vendent la coke dans les rues, etc., ben, on le voit rouler en moto, on voit qu'il a les plus belles filles de la commune, etc., etc. Ben, ça devient vite un repère, tu vois. Et de l'autre côté, ben, nous, ben, on va prôner la vie familiale, l'équilibre, la relation homme-femme, l'éducation des enfants. Ça fait un peu has-been. Mais ça, c'est la vraie vie pour moi. Parce que c'est ça, en fait, qui va demain. Et c'est plus constructif que dire, voilà, j'ai une fille lundi, j'ai une fille mardi, j'ai une fille mercredi, je fume, je sniffe aujourd'hui, je sniffe demain. Tu vois, donc voilà. Toujours sur le même sujet, on voit aux États-Unis des rappeurs de la scène dite consciente se mélanger énormément avec des rappeurs d'une scène gangsta. Je pense par exemple à Talib Kweli qui collabore avec à peu près n'importe qui, de Gucci Mane, enfin, tous les rappeurs bref. Est-ce que d'une part c'est quelque chose que vous pourriez faire, parce que tu as cité un certain nombre d'artistes. Tismé, Star J, Exhaust, une certaine scène, des artistes avec qui tu as eu l'occasion de tourner en Guadeloupe, de faire beaucoup de collaborations. Est-ce qu'il y a un contact entre ces deux scènes? Est-ce que c'est souhaitable? Et enfin, est-ce que tu as eu l'occasion de te retrouver face à un public, ou quelqu'un du public, fan de cette autre couleur du rap, et savoir quel a été l'impact pour toi? Nul ne peut nier la positivité. Quand quelque chose est positif, je pense que tout homme peut le reconnaître. Tu n'attends pas que le soleil se lève pour savoir... Voilà, le soleil s'est levé, il fait jour, quoi. Tu sais que le soleil s'est levé. Donc, je pense que tout le monde on a tous des besoins simples. Hein. On a besoin d'amour, on a besoin de relations saines, on a besoin d'amitié. Et ça, que tu sois gangsta, que tu sois G, que tu sois pimp, que tu sois ce que tu veux, tu as besoin de ces choses-là. Donc, une musique où on va parler de ça, même si les gars ne vont pas forcément te big up tout de suite, mais quand tu sors de scène, c'est eux qui viennent te voir après, ou quand ils te rencontrent après, c'est eux qui viennent te voir et te check en te disant « Ouais, pour ce que tu as dit, ça m'a fait du bien, tu vois. » Donc, voilà, moi, de mon côté, je ne me vois pas collaborer avec des gars prônant un message négatif. Je ne demande pas à ce que ce soit un message axé sur la foi, mais un message constructif. Que tu dises quelque chose d'intelligent et que de... Comment dirais-je voilà, de constructif simplement pour... Je suis père de famille, je suis marié, quelque chose que je peux jouer chez moi tranquillement. Mes enfants peuvent chanter avec nous, tu vois. Moi, je suis plus dans cette optique-là. Et pour revenir à Talib Kweli, chez les artistes américains, avec le temps, je m'en méfie. Énormément. Ça reste du business. Ce sont des businessmen. Talib Kweli, j'avais lu dans un The Source magazine, qui avait deux artistes, les deux plus gros artistes indépendants qui n'avaient pas besoin de major pour fonctionner et vendre et se faire plein d'argent. Talib Kweli, c'était le premier, le deuxième, après 2 Chainz. À l'époque, 2 Chainz n'était pas encore connu. Mais 2 Chainz, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il produit des beats pour Lil Wayne. Ça fait longtemps qu'il a des sons qui tournent dans les clubs là-bas de striptease, etc. Le gars, il n'avait pas besoin de major pour péter. Et Talib Kweli, ben, étonnamment, je me suis dit, mais waouh, si on met le gars en deuxième position après 2 Chainz, c'est qu'il a un peu de cash. Et c'est pas qu'un peu. Talib Kweli, il est millionnaire. Pour gérer Blacksmith, pour faire ce qu'il fait là, parce qu'il vend des albums. Il vend, il fait des scènes. Il a de l'argent. Et ces gars-là, il ne faut pas oublier, le rap, c'est du business là-bas. C'est une entreprise. Et comme toute entreprise, bon, ben, des fois, les gars, ils sont prêts à faire des collaborations juste pour, ben, je ne sais pas moi. Si, je suis sûr que si demain, on demande à Talib Kweli de faire un feat avec Lil Wayne, il va le faire. Il a déjà fait. Ah oui, il a fait sur sa mixtape là. Voilà. Mais j'ai un peu décroché, Talib. J'ai un peu décroché. Je sais pas, son dernier projet, j'ai jeté une oreille dessus rapidement. Après, Il est très très bon. J'ai entendu le morceau avec Miguel que je kiffe. Je kiffe littéralement. Et c'est vrai que, bon, par exemple. Je sais pas, c'est vrai que c'est un peu contradictoire, tu vois. De par exemple, c'est comme si moi aujourd'hui je fais un son, même si c'est un rappeur que je respecte techniquement et qui m'a beaucoup influencé, je fais un morceau où je dis que en gros que fumer ça rapporte rien et que en gros tu vois Mark Williams Café featuring Redman. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que même si effectivement rapologiquement parlant ça sera une prouesse, parce que waouh, t'as fait un son avec Redman, mais Redman il va nous parler de quoi? Ou de Wiz Khalifa quoi? Williams Café featuring Wiz Khalifa, bon c'est. Non. Par contre, tu me dis de faire un featuring avec Fonte, oh, je suis aux anges. Non, je vois très bien ce que tu veux dire, parce que souvent, on parlait de Talib Kweli, il a beaucoup de collaborations qui contredisent certains de ses textes, où il vilipende souvent les mauvais rappeurs ou les rappeurs qui ont un message négatif. Ou même qui n'ont tout simplement pas de flow, pas de texte. Après, j'ai aussi l'impression qu'il y a une approche aussi très musicale du hip-hop aux États-Unis qui fait que... Bon, déjà, comme tu as dit, c'est du business, donc on respecte celui qui, par un autre moyen, est arrivé aussi à avoir une certaine visibilité. Et on peut faire des collaborations sur ce plan-là. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais toujours, pour revenir à Williams Café, tu as sorti cette année le titre « Respecter Artist ». Que vous pouvez toujours télécharger librement et qu'on a joué cette année dans Conan Ambi, l'émission spéciale musique jeudi. Je voulais savoir quel était ton point de vue sur la musique en Guadeloupe aujourd'hui et qu'est-ce qui a fait que tu as écrit ce morceau. Alors, Respecter Artist, c'était un morceau coup de gueule en fait. Parce que, tu sais, même si on est sur une scène urbaine, la scène urbaine en Guadeloupe, je sais pas trop si c'est la même chose en Martinique, mais en Guadeloupe, quand tu parles de musique urbaine, tu parles de dancehall. Rien d'autre n'existe. C'est-à-dire que tu fasses du rap, de la soul, ce que tu veux, tu n'existes pas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on est au pays du zouk, qui veut dire que pour se faire entendre, c'est une barrière, parce que les gens n'ont pas la culture hip-hop là-bas. Et ils ne l'ont plus, du moins. On a cultivé le hip-hop à un moment, tu vois. Mais la plupart des rappeurs se sont tournés vers la musique dancehall. Parce que c'est une musique qui marche. C'est une musique, certes, qui ne vend pas en termes de CD. Mais par contre, tu vas faire des scènes si tu... Ouais, c'est une musique populaire. Et surtout, les gens ont tendance à croire que... quand tu fais de la musique, ben, c'est... Ce qui vient d'ailleurs, c'est toujours mieux. Or que pas forcément, et il y a vraiment des artistes qui font un réel travail en Guadeloupe et qui méritent vraiment une plus grande exposition. Je pense à plein d'artistes, je pense à Mimi Nelzi, je pense à Malika Tyrolien, je pense à Lydia Barlang, je pense à... Il y a tellement d'artistes qui sont super bons. Et quand j'ai écrit ce texte, j'ai pensé à tous ces artistes en fait, tous ces artistes que je côtoie. On a déjà collaboré, on a déjà fait plein de scènes ensemble. Des artistes qui s'autoproduisent, qui font des albums de A à Z, ils font leur musique, ils font... Et de voir que de l'autre côté, il n'y a pas un vrai respect. Et c'est toujours, le respect vient toujours d'ailleurs, en fait. C'est toujours l'étranger, les gens à l'étranger qui vont dire waouh, ce que tu fais, c'est super, c'est magnifique, etc., etc. Mais les gens de ton propre pays, ils regardent ça comme waouh, voilà, c'est la fille d'un tel, son papa travaille là, sa maman travaille là. Et oui, on l'a vu, elle fait ses courses à Carrefour, à Ecomax, tu vois. Donc c'est ça en fait, la réalité. Et c'est ce qui m'a motivé à écrire ce morceau. Konami. faire rêver, il peut faire danser, il peut faire waller leur poco j'ai. Il peut parfois et puis courage, il peut faire sourire quand on est dans l'orage. Laïka éteint. Respectez artistes, si vous voulez qu'elle y va, please. Père Guadeloupe en parle bas. Respectez sa critère, yeah. Respectez artistes, si vous voulez qu'elle y va, please. Père Guadeloupe en parle bas. Respectez sa critère. Big up vous si podium, big up vous en Larry. Mais l'os aussi on produit, yo kati ou en pani. L'agence y'a gagné ça ti mal, un qui prend après. Gardez ou en mitanzié, et du force pour après. Hello capo et éveille, yo bise un bon masco. Yo ka compter si ou pour pas changer. On peut pas compter si yo jamaïcain, américain. Ka sorti là yo sorti, depuis pied à yo ici dan. C'est la chance, c'est l'euro. A pas ka plaire si ça en moins. A pas musique à bon manger, mais en croûne ton lot qui lag et tout beat, j'y pour changer. Coulé à vie à zot, si zot d'accord, zot d'accord, si zot pas d'accord, ok. Mais pas moins à vie à zot, on savent. Que ça bon j'ai qu'à pas y pas qu'à vous prendre. Si bas en musique, si bas ou écritie, si bas au man y peinti. Encore avec rythmique, faut faire y servir. Quoi l'on a mis? On why? Respectez artistes, si vous voulez qu'elle y va, please. Père Guadeloupe en parle bas. Respectez sa critère, yeah. Respectez artistes, si vous voulez qu'elle y va, please. Père Guadeloupe en parle bas. Respectez sa critère. Quoi l'on a mis? Dans Après respecter artiste, je ne sais pas s'il sera sur ton album Sunny Day. Non, c'est un inédit. Tu as ton premier extrait de ton album, donc Paroles Vivantes, avec en featuring Mimi Nelzi, dont on vient tout juste de parler. Dans ce morceau, alors, je vais revenir sur deux phrases. La première, c'est Dis-moi Kao Kakute en Kedio Kimounouye. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu en as déjà plus ou moins parlé, mais qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute du jazz, j'écoute de la musique gospel, j'écoute de la soul, pas énormément, j'écoute du rap, j'écoute de la variété française, mais l'ancienne variété. La nouvelle scène de musique française, je ne la suis plus trop. J'écoute de la musique lounge, la house, et j'écoute du zouk. J'écoute du Goka, j'aime aussi tout ce qui est Bossa Nova, j'aime énormément la Bossa Nova, Bebel Gilberto, Vinicius de Moraes, etc. Ce sont de très grandes influences aussi pour moi. Voilà, principalement ce type de musique en fait, voilà. Et derrière cette phrase, bon, qui certainement avait aussi une petite touche, non pas d'humour, mais... est-ce que tu te fais une opinion sur le public en fonction de la musique qu'il écoute? On a parlé par exemple de toutes les musiques avec soit un message négatif ou un manque d'authenticité, etc. Est-ce que c'est ce qu'il y a derrière cette phrase ou pas du tout? Oui, totalement. Est-ce que ça me fait penser aussi à la phrase où je dis que je dis non à la musique fast-food. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui est constamment en recherche et qui, par-dessus tout, dure dans le temps. Aujourd'hui, tu as des artistes, que ce soit dans le milieu francophone, créolophone ou anglophone, tu as des artistes qui sont là juste pour un coup. Ils sont là pour un coup, et quand ils ont fait ce coup-là, tu ne les entends plus. Là, dans ma tête, je pense à Soulja Boy, par exemple, qui est arrivé avec Superman. Il a vendu des millions, etc. Et aujourd'hui, pour se faire un buzz, il s'est fait tatouer de la tête aux pieds. Et avant tout clip, il expose des bouteilles de codéine pour montrer que lui aussi, il boit du sirop, etc. Il est passé de clips ayant des millions et des millions de vues à des clips à 20, 30, 40 000 vues. Je pense à Mims, qui est arrivé avec This Is Why I'm Hot. Ça a été un tube avec en featuring Junior Kelly. Junior, c'est ça, Reed? Ouais. C'est un tube, etc., etc. Et puis le gars, honnêtement, en interview, il te dit, moi, j'ai fait... Déjà, c'était du mensonge total, ce qu'il a dit, puisqu'il te dit que ouais, il passe dans telle ville, il est hot. Il passe dans telle ville, il est hot. Or que personne ne le connaît. Et on ne l'a jamais vu dans le rap game. On ne sait pas d'où il sort, mais il est toujours hot. Et le gars, il te dit honnêtement, il a fait un album, il a fait un single, il est multimillionnaire aujourd'hui et qu'il se retire du rap game. Et pour moi, c'est ça la musique fast-food. Et un artiste, par contre, c'est quelqu'un qui dure, c'est quelqu'un qui, tu le vois aujourd'hui, il fait un produit dans 2 ans ou dans 1 an encore, il fait un produit encore plus consistant et voilà, et tu le vois évoluer. Moi, je pense à des artistes comme Henry Salvador, comme Aznavour, qui est un artiste que j'aime énormément. J'ai des albums de Charles Aznavour que j'écoute toujours. C'est un gars à 40 ans, 40, 50, 60 ans, le gars est présent, 70 ans, le gars il est là, et il remplit les scènes, il continue à écrire, à être en recherche, à communiquer quelque chose au public. Pour moi, enfin mes références, voilà, ce sont ces artistes-là. Ce ne sont pas les artistes fast-food, les artistes que tu vois, qu'un label utilise vite fait, juste pour le temps d'un single de l'été, etc. Donc voilà, c'est pour ça que justement dans ce texte-là, je dis non à la musique fast-food. On a parlé pas mal de contradictions dans les messages. Pour revenir donc sur ce texte Parole vivante, ce que je voulais aussi savoir, c'est que donc moi, comme je disais, pour moi le hip-hop, l'intérêt, c'est vraiment une musique où on peut parler de ce qu'on veut, écouter au sein du rap plusieurs musiques différentes, en fait, plusieurs approches. Comment tu gères le fait que ben, peut-être que dans ton public, des gens puissent passer de ce que fait Benaja ou de ce que tu fais à un rap, par exemple, agressif ou peut-être négatif dans le message? Mais si je fais ça, mais c'est la fin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas véhiculer quelque chose que je ne vis pas. Tu vois, je suis je ne dis pas jamais, puisque on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je ne sais pas qui je serai amené à être demain non plus. Je ne peux pas dire jamais je ne ferai ceci ou jamais je ne ferai cela. Mais quoi qu'il en soit, tant que le souffle de vie m'anime, je garde en mémoire le regard de mon fils. Et je ne peux pas je suis plus maintenant dans une phase où je veux me découvrir. Je suis dans une phase de transmission. Donc forcément, étant responsable, ayant une famille, ayant un foyer, ayant des responsabilités, il y a des gens qui me regardent. Donc je peux pas me permettre non plus de dire bon ben sous le coup de la colère, allez, je vais faire un son ou je dis n'importe quoi et puis après un autre son, je demande pardon au public. Ça n'a aucun sens. Donc je fais toujours en sorte d'être quand même cohérent avec ce que je vis et avec qui je suis à l'instant présent. Par exemple, Sunny Day qui va sortir, c'est un album représentant Williams Café. Déjà, je suis passé de Café MC, qui est mon ancien blaze, à Williams Café, parce que bon, ben, c'est une transition et je me présente autrement. Et par contre, Sunny Day, c'est Williams Café en 2013. Je ne sais pas qui je serai en 2015, mais quoi qu'il en soit, je ferai toujours en sorte à rester un maximum positif. C'est important. Je pense qu'on en a besoin. Je pense que, mais indépendamment, je ne donne pas rendez-vous aux gens dans les boîtes de nuit. Je ne te donne pas ma musique. Tu ne vas pas forcément l'entendre dans les boîtes. Tu ne vas pas forcément les retrouver dans les soirées bouillon, dans les soirées jump-up, etc., etc. Mais par contre, je te donne rendez-vous chez toi, au calme, après une journée de travail. Je te donne rendez-vous quand tu es dans ta voiture, dans les embouteillages, après boulot. C'est là que je te donne rendez-vous. Là où je vais discuter avec toi. Là où on va chanter ensemble, on va danser ensemble et on va réfléchir ensemble sur comment construire demain, comment voilà, mieux bâtir notre foyer, être plus équilibré. Aussi simple que ça. On a parlé donc de l'évolution de Café MC à Williams Café. Une évolution que j'ai notée, tu me diras si c'est juste, depuis l'album Soif de vivre de Benaja, c'est qu'il y avait une couleur, il y avait plusieurs couleurs musicales, mais il y avait notamment la couleur caco. Très présente avec des productions d'Exos, de Phony, notamment ben, parmi les sons que je préférais sur l'album, il y avait donc Lola Vie, Vie et Zeb, J'ai l'impression que c'est une couleur qui a disparu depuis dans vos projets. Est-ce que c'est pour une dominante maintenant jazz dont tu as parlé, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste? Ben en fait, avec le temps, tu veux faire quelque chose qui te... Même si effectivement c'était une collaboration qui a été fructueuse et que sans regret, hein, avec Exos, qui est justement un beatmaker que je respecte énormément. Mais avec le temps, tu cherches quelque chose forcément que tu cultives vraiment. Tu vois, je ne suis pas dans une démarche identitaire non plus. J'ai après ce projet Soif de Vivre fait des collaborations avec plein d'autres artistes issus qui ne sont pas forcément guadeloupéens. Et notamment un beatmaker irakien qui m'a tout appris en fait. Qui s'appelle Boogie Monster, d'un groupe qui s'appelle Backpack Jax. C'est lui qui m'a tout appris, que ce soit en termes de beatmaking, que j'ai fait venir en Guadeloupe, justement un artiste musulman, que j'ai fait venir chez moi, il m'a tout appris. Parce que je c'est quelqu'un que je kiffe vraiment. Et ça m'a ouvert l'esprit. Après, tu sais, je avec le temps, j'ai remarqué que je suis plus axé jazz et musique vocale. Tu vois, j'aime beaucoup tout ce qui est beatbox, tout ce qui est... Je ne dis pas que je ne reviendrai pas pour une collaboration à un ou deux morceaux caco, tu vois, avec Phony ou avec Exos. Mais pour le moment, comme on dit en anglais, I want to do me, tu vois. Je veux vraiment faire ce que j'aime. J'ai collaboré avec Paco. Paco est plus dans mon style. Paco est plus dans ce que je veux transmettre. J'ai collaboré avec... Il y en a plein d'autres, hein. Paco... Pure Pro, y a plein de beatmakers qui sont plus dans ma couleur. Et voilà, aussi simple que ça. Konami. Gaffé MC. Yes, avec Chimmy Chimmy, rime de génie. Qu'est-ce qui passe, Black? Cool? Yeah. On fait du son, man. Intelligent. Du son intelligent. Yeah. Yes, sur une production de Paco. Voilà, voilà, voilà. World up. On aime faire du son intelligent, mais nous. On aime aime faire du son intelligent. Quoi de l'ambi? On aime faire du son intelligent, mais nous. On aime faire du son intelligent. Je dis pas dans le move avec respect, bon sens et bon sentiment. Armé d'une voix ferme et solide comme un monument. Je respecte mon auditeur donc je lui parle poliment. Même si mon rap le choque comme le vrai licenciement. La vie est bien trop courte pour pouvoir la gâcher. Ma joie de vivre est bien trop grande pour la partager en cachette dans certaines régions du globe. Quand tu dis que Christ est ton maître, vite fait, tu peux te trouver à de la hachette et la machette. On ne fait payer des taxes, tu les rimes, c'est utile. Beaucoup d'M6 font la manche dans les rues de nos villes. Yo, le mec ne peut jouer, alors lis bien ta notice pour être la cible de tes propres lyrics. Pendant que certains spètent la voix en criant mon fire, moi je lève la mienne pour dire Kumbaya. Reste tranquille, bonne note ta vibe, descend. La mienne draine comme le prix du sang. Pas de chaîne sur la boîte, une pas de weed à consommer l'évangile sans compromis. Comme à l'accoutumée, prédicateur 4-4. Comme un chiron qui joue un MC tout terrain. Loin des utopies, café, garde des pieds au sol. La Bible reste ça, au sol entre les mains du maître du temps. Il reste docile. Mon rap est un message de paix dans le vacarme. Faut que la lumière se propage dans le blackout. Yeah. On aime Gère et le mot me change, mes mots m'animent, me mènent là où mes noirs pensées se rangent. Je pâlis sans rap car son sens élimine la peine de l'homme. Je check le mic pour toucher les mecs, dans mon âme je puise. Quand les lettres se mettent en mouvement, elles défient le chaos et transforment l'ignorance. La rime et mon tao, je me pince, souvent incrédule face à la force de l'intelligence. Mon délire de MC amène la connaissance. Adepte du sens, c'est des kilomètres parcourus sur le chemin. Trip que l'homme complique car l'âme est réceptive aux mensonges que l'homme fabrique. Des attaques de mots vides, champ lexical guerrier. Soldat armé du pic, yeah. potes, prête-moi ta vie, pose la prête-moi. Apporte ta peine sur l'hôtel de mon bloc, note jette ta bile. Je mets à nu ce que la souffrance habille. Mon rap vient d'un cœur sincère, comme si je voulais des salles et la mer. Je lutte contre les masses avec l'élite, des poètes venus de l'île sur le papillon. Une expression de campagne et de ville, toujours mêler le sens et le style, pour que les bad et les good boys mettent le feu à la paille qui obstrue leur vision. Je me sens renaître chaque fois que ma plume, mon chant me permet de mieux connaître. Un rap d'homme, de neveu, d'amis et de fils. J'ouvre le passage, menant à une vie piche. Frappe dans le mille, en évitant le sang, le trouble et le dispute. Café et chimio, my Camille, sur le même thème, béni ensemble dans la même lutte. On aime faire de sauts intelligents, on aime faire de sauts intelligents, mais on va parler de ton show que tu as donné au Sentier des Halles, puisque tu as plusieurs fois que tu fais référence au beatbox. Donc, je précise donc que dans son set, il était accompagné d'un DJ et d'un pianiste, et également donc une projection de photos sur grand écran. Donc, il n'y avait pas vraiment du beatbox. Par contre, il y avait plusieurs passages assez surprenants, déroutants, où il me semble que tu interprétais une trompette. Alors moi qui étais dans la salle, j'ai cherché à plusieurs reprises d'où venait le son. Est-ce que c'était mais je voyais que le DJ ne faisait rien. Enfin, j'ai été très très surpris, notamment par la justesse d'où ça vient. D'où est-ce que tu as sorti ça? Alors, la trompette, c'est mon instrument préféré. Je carbure au Roy Hargrove. Je carbure au... comment il s'appelle encore lui? Oh, j'oublie. Chet Baker. La trompette, c'est mon instrument préféré. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai commencé petit à petit, en allant bosser, à imiter en fait ce qu'ils faisaient. Et à en fait jouer tous les morceaux avec eux. Et puis un jour, comme ça, sous la douche, ma femme m'a entendu faire mon petit truc, quoi. Elle m'a dit, mais hey, tu peux faire quelque chose avec ça, chérie? Et c'est resté. Et au début, c'était timide, puisque c'est pas commun. Donc, j'ai cherché sur Internet pour savoir qui fait ça. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres artistes quand même, comme Raoul Midon, qui le fait aussi. Et d'autres artistes qui sont bons aussi dans ce domaine-là et qui arrivent à accompagner les groupes. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas me lancer? Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des scènes. De temps en temps, j'ai commencé timidement. Et aujourd'hui, je suis totalement à l'aise dans cet art-là, quoi. J'aime accompagner des fois, j'accompagne des groupes où il y a des fois, il y a des artistes qui me demandent carrément de venir dans leur concert et à un moment de leur donner un coup de trompette, quoi. Donc, c'est arrivé comme ça. Et puis bon, comme j'avais déjà des affinités avec le beatbox, donc forcément, tout ce qui est bruitage, etc. Donc, c'est arrivé et maintenant, je veux en faire une partie intégrante dans mes shows. Est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé sur ton album, Sunny Day? Non, là j'ai fait appel à un vrai trompettiste, parce que c'est plus compliqué de faire de plein d'armos vraiment la dextérité du trompettiste. Mais je pense que c'est plus impressionnant en live que sur un CD. Sur un CD, j'ai un projet où je vais faire tout un album qu'à la voix avec un beatboxer qui s'appelle Bucal, qui est très très très fort. Ça sera un album pur jazz avec des ballades. Ça sera un album de ballades en fait, qu'on a envie de faire. Peut-être un EP de 5 titres. On a un premier morceau qui est enregistré et il arrive pendant les grandes vacances. On va essayer de se faire ça. Et là, effectivement, tout sera joué à la bouche. Donc, il y aura les harmonies, tout sera fait à la voix. Mais sur Sunny Day, j'ai fait appel à un vrai trompettiste. Un autre temps fort aussi du show, selon moi, c'était la narration, les anecdotes, des histoires que tu as racontées accompagnées du seul piano. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent d'une manière ou d'une autre, présente sur ton album, ou il faut venir voir Williams Café en live pour y avoir droit? Alors, je fais une nette différence entre le live et l'album. Pour moi, l'album, c'est des musiques, un format précis, 3 minutes 30, 4 minutes, refrain, couplet, arrangement, et... il y a des morceaux que j'ai, notamment cette histoire que j'ai pu raconter avec lors du concert, qui sont pour moi faits vraiment pour le partage. Et c'est vraiment des choses à vivre à l'instant T avec le public, parce que je ne les fais jamais de la même manière. Je raconte jamais les histoires de la même manière. Ce que j'ai fait, par exemple, à la Seine-Bastille, pas la Seine-Bastille, au Sentier des Halles, dans un autre concert, je vais le changer. Je vais faire autrement. Je vais l'adapter au public. Et comme ce sont des histoires de vie, donc tout le monde se sent plutôt concerné. Parce que ce que je dis, c'est la réalité, tu vois. Donc forcément, c'est ce genre de choses-là, puisque ça dure mine de rien. L'histoire que j'ai racontée, elle est longue, elle dure 10 minutes, c'est 10 minutes dans le show. Donc, par contre, sur un album, ça c'est un morceau que je devrais formater, le mettre en 3 minutes 30, etc., etc. Et ça va perdre de son charme. Tandis que quand le pianiste est là, on est ensemble, et je partage ça avec le public à cet instant précis. Et est-ce que c'est la première fois que tu faisais ce show pour Sunny Day ? Est-ce que tu l'as déjà testé en Guadeloupe ? Est-ce que tu l'as aussi joué avec peut-être d'autres formations ? Alors c'est vrai, c'est une belle opportunité, parce que c'est la première fois en fait que je présente quelques morceaux de Sunny Day, sachant que tous les morceaux n'étaient pas sur l'album, hein, ce ne sont pas des morceaux de l'album. Il y a des morceaux où j'ai pris des faces B, c'est des morceaux que j'ai créés pour l'occasion en fait. J'ai pu donner quelques morceaux de Sunny Day. Mais c'est la première fois que je fais un show déjà où je présente les morceaux de Sunny Day. Parole vivante, je l'avais jamais fait en live. Attends-là, par exemple, le morceau que j'ai fait avec le pianiste, où je chantais. Par contre, ça c'est un morceau qui est sur l'album, mais par contre celui-là sur l'album il est qu'à la voix. Tu vois, il y a des morceaux qui sont pas sur l'album, mais l'opportunité c'est... Voilà, normalement, ça aurait dû être le contraire. J'aurais dû commencer à le présenter en Guadeloupe pour venir ici. Et là, bon, ben, l'opportunité s'est présentée. Je viens le présenter en France. Et là, je vais le présenter en Guadeloupe. Donc, je vais voir comment ça s'organise. Je vais voir comment je vais organiser mes scènes là-bas. Puisque là-bas, ben, mine de rien, c'est l'école de la débrouillardise. C'est l'école où tu dois tout faire tout seul. Mais bon, maintenant, j'ai quand même une équipe. J'ai quand même constitué une équipe. Parce que j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire tout seul. Surtout techniquement, je fais tout seul. Je m'enregistre, je me mixe, je fais tout. Donc aujourd'hui, ben, j'ai un manager, j'ai un attaché de presse. Donc voilà, une petite équipe. Et on va commencer à travailler. Dès mon retour, on va commencer à travailler le projet. Voir comment il pourra rayonner un peu plus largement sur le panorama musical de la Guadeloupe. Konami. Le beau cas dit moi, vous savez qu'a fait moi, c'est Larry qui a représenté dans la musique moi. Thug Life, parce que c'est Larry qui fait moi, c'est Larry qui éduque moi comme si Larry c'est ton maman ou papa. Et si vous avez gardé bien, vous avez vu que c'est même Larry là ça qui a marré au délai. Et c'est même Larry là ça qui délai qui a tué aussi. Le suivant. Trop jeune, trop beau que j'ai piégé dans ça. Toi, bah comme tes autres bitins. Yo t'es toujours connecté, combat des douettes. Car répéter tout pas du cœur, la rire là yo met. Là t'es capable c'est why, yo faut pas t'es parler trop fort. Sinon t'es une déchoix, l'hôpital ou l'homme. 5 tibou qui levait sans papa dans cité. Yo la gueule l'école grand bonnet, yo t'es pissé mais cisé. Si bon public, jouer musique, bois et fumer. Organise équipe prochain carré, yo gars échiré. Si pas t'es ni plan alors si t'es braqué les touristes. Let me motive yo, c'est un night vite pour nous faire une vite. Physique rack, shit zep, qu'a passé en mes ayo. J'is police, t'es peut passé en l'arriayo. 15 l'année après, ni dé en batte. Yo n'en dit d'un, et ni dé qu'a profère. Toute la journée yo cisé qu'a fumé si même bon là. Yo kai ni 30 ans, mais yo pris un piège à la rila. Trop sang j'a coulé en la rila. Trop gêne qu'a pète en ayo en la rila. Trop formi qu'a mette mes cités en la rila. On nous prie pour bon Dieu mettre lumière en la rila. Yo, trop sang j'a coulé en la rila. Trop gêne qu'a pète en ayo. En la rila, trop formé qu'à mettre mes six têtes. En la rila, on nous prie pour bon Dieu mettre l'amour. En la rila, yo, trop potentiel gâché. En la rila, trop non, mais justice cassée. En la rila, trop femme qui n'y t'est foissée. En la rila, pour plus réunion, le cas caché. marcher pas sans la rila. Pour femme, faut red, pour nom, faut dread. Pas ni place pour faiblesse. Si au mori, yo que pile, la rila ni code. Si ou pas des tropes, yo que tué, la rifa ni love. Pas si ou pas éveil, il est contre vous. Si ou pas kabaye rien, alors c'est lui qui est pour vous. La rifa fidèle, man, il peut fonctionner sans vous. Si ou pas sa combine, alors c'est vous, il est grand fou. Attends, il est plus fragile qu'a fin craquer ou toujours sous. On l'offre, sa papa qu'a goumé pour rentrer à dans on. L'eau qui levait à dans qu'a goumé pour sortir à dans on. L'eau rêve, on l'eau projet disparaît dans la rila. Mais abondier pas trop coûte pour guérir la rila. Conversion j'a coulé en la rila. Trop gêne qu'a pète en aïe en la rila. Trop formé qu'a mettre mes cités en la rila. On nous prie pour bon Dieu mettre lumière en la rila. Yo, trop séance j'a coulé en la rila. Trop gêne qu'a pète en aïe en la rila. Trop formé qu'a mettre mes cités. Que vous soyez ici à Paris, en France, en Guadeloupe, il faut aller voir donc Williams Café sur scène. J'aurais une question, parce que moi ce qui m'a marqué, enfin ce qui m'intéresse toujours quand je vais voir les concerts de hip-hop, c'est les MC qui vont un peu plus loin que la simple interprétation d'un texte sur un beat. Souvent, je trouve que beaucoup de shows hip-hop français ou locaux sont assez pauvres. Ce travail en plus que tu as souhaité faire sans pour autant avoir un band complet par exemple, est-ce qu'il y a des shows qui t'ont, des concerts hip-hop qui t'ont marqué ou qui t'influencent? Alors déjà pour moi, je vis mes concerts comme un grand moment de communion, un grand moment où tu partages quelque chose avec le public, où tu viens pas juste lâcher un message. J'aime faire participer. J'aime quand les gens tapent des mains, quand les gens dansent. On oublie des fois dans le milieu hip-hop que c'est de la musique qu'on fait. Et la musique, c'est censé te faire vibrer, te faire danser, te faire bouger. Et des concerts qui m'ont marqué, waouh. Je ne suis pas allé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts. Je ne vais pas mentir. Surtout, je n'ai pas forcément l'opportunité d'y aller. En Guadeloupe, il n'y a pas d'artistes hip-hop, tu vois, qui viennent. Ce n'est pas une scène où... Mais... les artistes qui m'ont marqué ne sont pas issus de la scène hip-hop. La plupart, je sais pas, moi j'ai vu les Nubians, j'ai vu une amie et une artiste que je respecte énormément et qui m'a donné une belle tape, Tricia Evi, en jazz, qui est très très forte. Ron Carter, un bassiste, un contrebassiste énorme qui a joué avec Miles Davis. Là aussi, j'ai pris une réelle claque. Mais ce qui me marque, en fait, moi, surtout dans les lives, au-delà de la prouesse artistique, c'est l'humilité et ce que tu laisses aux gens. Tu vois, par exemple, c'est tout bête, hein, mais à la fin du concert que j'ai fait au Sentier des Halles, il y avait un père de famille qui était là avec sa fille. Et à la fin du show, il est arrivé un peu à la fin, tout à la fin, quand tout le monde est parti, lui il est resté. Et il est arrivé tout tremblant en fait, en me disant merci, etc. Et c'est après, on m'a dit en fait que cet homme-là discutait justement avec l'organisateur. Il dit que c'est un homme qui est en pleine phase de divorce. Et en écoutant en fait les différents sons, que ce soit « Attends là », que ce soit l'histoire avec Julien Julie, que ce soit « Je t'emmène », le morceau que j'ai pu faire, etc., il s'est rendu compte qu'il avait fauté et aujourd'hui qu'il veut vraiment rattraper son couple et qu'il a une réelle remise en question, quoi. Et sur le coup, et aujourd'hui, il a envie de se battre pour son couple. Waouh! Tu vois, moi, j'ai envie de dire waouh! Tu vois, j'ai vraiment eu ce sentiment d'avoir été un instrument entre les mains de Dieu et d'avoir apporté quelque chose, tu vois. Pas juste mon flow, ma technique, mon style, mon énergie sur scène. Mais d'avoir fait la différence, et même si j'ai fait le show juste pour que cet homme puisse se remettre en question et qu'il puisse se dire ben voilà, je veux sauver mon couple, ben alléluia quoi, je suis content. Aussi simple que ça. Je crois que ce serait la conclusion parfaite. Je vais quand même rajouter une petite question bonus pour terminer. Tu as dit donc que tu t'enregistrais, donc on a déjà dit que tu rappais, que tu chantais, on voit bien que tu as plusieurs casquettes, tu as donc un studio. Kazam Studio. Je voulais savoir quels ont été les projets auxquels tu as collaboré, certainement d'autres artistes, les nouveaux projets donc, qui sortiront de ton studio et les projets à venir, en incluant bien sûr l'album Sunny Day. Alors là, j'ai mixé l'album de McFla, qui est un artiste guadeloupéen, un album de rap. J'ai pas fait tout ce qui était prise de voix, beat, etc., etc. Moi, je me suis occupé que du mix. J'ai récemment enregistré un projet pour Mimi Nelzi. J'ai enregistré un album purement vocal pour un duo, une chanteuse de soul et une slameuse, un groupe qui s'appelle Chloé Béa. Je suis en train de travailler sur l'album d'un rappeur qui s'appelle Hicham, qui est aussi un frangin. Je vais rentrer en Guadeloupe, je vais travailler sur l'album de Tismé, le prochain projet de Tismé. J'ai bossé sur l'album d'Amani, qui est un duo de soul, qui va faire très très mal, enfin, ou plutôt qui va faire énormément de bien. Et mais en fait, je sélectionne aussi mes collaborations. Parce que quand je mixe, j'ai mon fils derrière qui regarde ce que papa fait. Et je ne peux pas mixer ou travailler sur des albums où l'artiste dit n'importe quoi et mon fils est là en train de chanter ce n'importe quoi. Donc on m'a déjà beaucoup sollicité sur plusieurs projets. Il y a des projets où je dis non, carrément. Parce que bon, je pense que c'est un droit de dire non. Et voilà. Donc plein de projets. Oui, j'ai fait un projet récemment avec un artiste Bad Sonics pour une grande manifestation qui aura en France autour des accidents cardiovasculaires où j'ai juste fait un refrain avec l'artiste Bad Sonics. Étonnant, n'est-ce pas? Et que pourtant le morceau est très très bon, très très positif. C'est tout hein, pour le moment voilà. J'ai plein d'autres projets en cours. J'ai un projet avec Akuji, un artiste, un beatmaker qui s'appelle Akuji, qui est très très bon aussi. Un projet de un EP peut-être de 4-5 titres. Mais là j'ai vraiment à cœur de faire des balades en fait, des morceaux d'amour en fait. Peut-être que c'est l'influence Fonte, Foreign Exchange, je sais pas. Mais je me rends compte qu'il y a vraiment... je veux remettre l'amour au goût du jour, quoi. Comme dit DC's dans un de ses sons, ou DC's aussi, qui est une très très grande influence chez moi aussi. Aujourd'hui, on fait plus la cour, on clique. Tu vois, on fait plus la cour, on clique, on fait plus l'amour, on gicle. Tu vois, c'est... Bon, c'est un peu cru ce que je dis, mais c'est ce qu'il dit. Mais revenir aux fondamentaux, les relations humaines saines... voilà, je pense vraiment à cette génération qui arrive, quoi. Nos enfants, dans quel monde ils vont évoluer, les valeurs qu'on va leur transmettre. Oui, effectivement, il y a tout le côté spirituel, tout le côté foi, mais il y a le côté pratique, tu vois. Le côté pratique, les bonnes manières, voilà, les bonnes manières, faire les choses bien, quoi. Le développer une mentalité de guerrier, aller bosser, le goût du travail, le goût de l'effort. Tu vois, ce sont des choses qu'il faut transmettre aussi. Tu vois, et aujourd'hui, je m'inscris plus dans cette démarche-là. Merci, Williams. Merci, Conan Ambi, et à très bientôt, j'espère. Peace. Choua, choua. Choua, choua. Conan Ambi. Shoo-wap, shoo-wap, shoo-wap, shoo-wap, shoo-wap, shoo-wap, shoo-wap, shoo-wap, shoo-wap, shoo-wap, Konami.